8h35. Hey Jérôme, je viens d'avoir une idée de génie. Oui. Ouais, je trouve que nos idées, là, à toi et puis moi, là, c'est des bonnes idées, tu sais. Tu trouves, toi? Oui, je trouve qu'on a des belles valeurs, toi et puis moi, puis j'aimerais ça qu'on commence à les imposer au reste de notre société, tu sais. OK. Parce qu'on est meilleur que les autres, toi et puis moi. Ah oui, nous autres, on a tellement de vécu. Oui. Et nos causes sont les bonnes causes et nos opinions sont les bonnes opinions. Au lieu d'utiliser les micros, les ondes, les médias, Twitter pour donner notre opinion puis notre point de vue, au lieu d'écrire un livre, mettons, là, je te propose quelque chose. Veux-tu changer les choses autour de toi, Jérôme? Ouais. Que le monde nous ressemble un peu plus à toi et puis moi, là. On va partir les memens. Ben, on a les seins pour. Non, mais là, c'est parce que nous autres, ce qu'on va montrer, c'est nos pénis, OK? Ah, je pensais que tu voulais qu'on montre nos seins, parce qu'on a faut tatoué, là. Oui, ben oui, faut aller plus loin que ça, je pense. C'est aussi facile de lever votre chandail. Le mouvement des memens, puis on pourrait se présenter à des endroits où il y a juste du monde qui veulent rien savoir de nous autres, là. Genre, on aurait pu aller au lancement du diamant de Robert Lepage, on serait arrivé là, puis on aurait montré nos pénis. Toi, t'aurais écrit « je », puis sur le mien, j'aurais écrit « suis contre le financement public de la culture ». Moi, je voudrais écrire « carnaval patriarcal ». Il a jamais accroché, hein? Ah, j'ai compris. Ben oui. Si on se met pas à deux pour passer nos messages, on va manquer de place. On est dans le trouble, pas à peu près. Là. Fait que c'est quoi que tu veux passer comme message? Carnaval patriarcal. OK, t'écriras « car que... », puis je vais écrire « naval patriarcal », mais il faut se tenir proche. Okay, ben, dis-le que c'est ça, hein? Okay. C'est pour ça que t'as sorti. Ouais. Est-ce que les gens trouveraient donc qu'on est intelligent? Est-ce que le lendemain de notre sortie organique, le journal Le Soleil va nous donner une page pour expliquer notre point de vue? Ouais, mais ça, c'est normal. On n'est pas surpris de ça. Pourquoi on fait pas juste rire quand de pauvres sottes se montrent les boules dans une activité familiale? Je trouve qu'elle fait pitié. Ça fait pitié pour avoir de vie à ce point-là. Hey, c'est vendredi soir, calvaire. T'as pas d'autre chose à faire qu'à ça le vendredi soir, qu'à d'aller te montrer les seins puis d'écrire esclavage utilisé sur ton chest. On comprend que ça c'est a été. C'est triste, ça, là. Puis là, tu dis vendredi soir, mais on comprend que ça a été le semaine, là, organiser ça. Le semaine, tu dis, leur hiver à date, là. Puis on savait que ça allait arriver au carnaval. Là. C'était sûr que des femmes. Elle a essayé d'aller se donner de l'importance à une activité comme ça, là. Est-ce que les memens qui se montreraient la poche auraient le même traitement? Ah, hey, on veut comprendre votre mouvement, puis vos valeurs, puis faire le lien avec la Corée du Nord et les endroits où les femmes là, sont ostracisées, là. Pis, on va te dire hey, la merde, là. Premièrement, il y a une grosse méconnaissance du terme esclavage, là. Quand tu t'écris le terme esclavage, puis que tu t'en vas protester contre des duchesses du carnaval, tu prouves premièrement que tu comprends rien, est-ce que c'est encore de l'esclavage là. Tu sais, tu comprends rien là, c'est que t'as aucun vécu, t'as probablement jamais ouvert un journal là. C'est banaliser si des situations. Tu penses que ça c'est de l'esclavage? T'as un Christi de problème de connaissance en partant là. Je peux comprendre dans des pays où il y a pas de liberté d'expression que t'arrives avec un mouvement choc. Ouais. Je comprends le but. Et cette là. C'est stupide, c'est infantile, c'est épais, c'est cave, c'est ridicule. Et quelqu'un qui fait ça ici, un soir d'entucement de reine, mérite de se faire traiter de nom et oui, de se faire arrêter par les polices. Elle dit dans le journal, en plus, en fin de semaine, je comprends pas, là, on pensait qu'on allait se faire interpeller par la police, mais on pensait pas passer 3 heures au poste, par exemple. Ben oui, mais j'étais promené tout nu devant des au carnaval. C'est quoi, il avait prévu de quoi pour le reste de leur soirée? T'attendais à quoi exactement? Là? On va aller montrer nos tétines au carnaval, puis 2 heures après, on va aller sur Grande Allée prendre une bière. Pas de problème là. Ben oui. Ça a gâché leur horaire, les 3 heures. Ah, je trouve ça tellement stupide. Puis moi, je voudrais même pas, tu sais, je voudrais même pas qu'on jase de leurs idées ou de leurs visions. Dans ce temps-là, OK, on fait juste... Il n'y a rien dans leurs idées, là. Esclavage, utilisé, carnaval, patriarcal, là, tu sais, c'est... Faut être déconnecté, là. Tu sais, t'es dans le pas de vie très profond, là. Très, très profond, là. Où est-ce qu'on irait, nous autres, les memens, là, montrer nos gosses, là? Au hockey, je sais pas. Faut aller à des places où on nous haït. Où on dérange. L'Orchestre symphonique de Montréal. L'Orchestre symphonique. Ouais, pendant un récital, là, t'arrives là, puis tu montes ton pénis. Hein, c'est... Non, on le fera pas. Non? On le fera pas. Non, ça arrivera pas, là. Donc, mon fameux plan où t'écris non sur ton pénis et sur le mien, j'écris au financement des activités culturelles ne concernent pas la masse. Non, j'embarque pas vraiment. Ça marche pas. Non. Okay. J'aime pas ton projet. J'aime pas ça. Je suis occupé, parce que ça donne, je suis occupé aussi. Ouais. Hein. Ça, c'est l'autre point. C'est que j'ai pas le temps, là. Ouais, ça, c'est une autre affaire, là. C'est que, je regardais l'horaire, puis ça fit pas vraiment. Faut que t'aies vraiment pas de vie, là, pour faire ça, mais là. Faut que t'haïsses les gens qui s'amusent. Faut que ta vie soit triste. Ah, t'en veux au bonheur du monde? Mais est-ce que t'es mal baisé quand tu fais ça aussi? T'es jalouse des duchesses qui sont belles? Mal ou pas? Un des deux. Ou pas du tout baisé. Ouais, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un élément de jalousie. Voir des belles filles comme ça, ça en dérange peut-être les gens qui sont mal baisés ou pas du tout baisés. Ça part-tu d'une activité sexuelle médiocre ou inexistante? Frustration sexuelle derrière ça, tu penses? Ben, si tu vas te montrer les seins en public, j'imagine que personne ne voulait les voir dans le privé. Là. Peut-être que dans le privé, les seins sont pas très vus. Là. Avant de demander les grandes visions politiques de ces demoiselles, peut-être juste lui demander comment ça se fait qu'ils se ramassent à montrer le boule un vendredi soir à des enfants. Vendredi là. Soir, il y a moyen de faire autre chose avec des seins. Là. Le gars qui fait ça dans le parc à l'Université Laval, là, le soleil, va-tu les interviewer pour lui demander c'est quoi ses visées politiques? C'est quoi ta cause? Le gars qui fait ça sur le long de la piste cyclable. Au chute ou quelque chose du genre. Au domaine Mézeray, là, il se fait pas parler de politique pis de ses idées vraiment. Ouais. Toi qui pisses en rond, en cuissard, tout nu, là, dans une piste cyclable, là, je veux dire, pourquoi tu fais ça? En tout cas, entre les fémines et la reine, on connaît notre choix, là. C'est assez facile. On a eu la reine en studio ce matin. Elle est ravissante, éclatante. Elle a aucunement besoin d'être défendue par des filles qui enlèvent leur chandail. Je pense qu'elle n'a rien à foutre. Elle n'a vraiment rien à foutre. Zéro à foutre. On lui a posé la question tantôt, je pense, c'est sûr, tout ça, là. Mais je suis content parce que on aurait voulu, la bâtir sur mesure de quoi aurait l'air la duchesse moderne en 2014, là. Puis moi, je l'aurais à peu près dessiné de même. Une belle fille qui a de la drive, qui est articulée, qui a des projets, des visées, de l'ambition. Quand le petit prince serait venu me voir, puis il m'aurait dit, Denis, dessine-moi une duchesse. J'aurais dessiné cette splendide jeune femme. On a un auditeur, on partage pas les mêmes goûts. Yann nous écrit, il dit, aucun enfant n'a été traumatisé, sauf peut-être. Il dit, tous les papas étaient heureux. Non! Et si bol, non? Non! Sérieux? Papa. Il dit, Austin Redneck Landry va faire un tour en Europe pour voir à quel point les femmes sont libres de montrer leur poitrine magnifique. Je suis déjà allé sur la Côte d'Azur voir des filles en monokini, là. Sont un petit peu plus belles que ce qu'on a vu au carnaval. Sont sur la plage aussi. Yann, si t'as besoin des femmes pour te crosser, je sais qu'il y a un problème. Je peux y fournir la page du soleil. Il y a une belle photo en page 3. Ça va être correct. Samedi, une belle photo en page 3 de la femaine torse nue. Je peux y fournir la photo. Mon pénis est très beau, de réputation internationale. Ça veut-tu dire qu'il faut que j'aille le montrer dans un spectacle de ballet jazz pour dénoncer une vision politique? Mais non. Chacun ses goûts. Yann a été excité par ça. C'est correct. Mais tous les papas étaient heureux? Non. Dans le cas de Yann, peut-être que de prendre une balle pour l'équipe, ce serait une bonne chose. Mm-hmm. Si t'es trop belle, les filles des femmes, adopte-en une. C'est peut-être le temps d'aller en sortir une au restaurant. D'aller de l'amour. Coupe de vin. Une nuit torride. Lui dire que t'as trouvé cute. Ouais. Puis je te garantis que prochain événement familial, elle va manquer de temps pour aller se montrer beau à tes enfants. Moi, je vais prendre les duchesses, je vais prendre la reine avant la femme. Oui. Ça, il n'y a pas de problème là. 8h44. Au lieu de se montrer les boules, quand on a des prétentions politiques, peut-être que d'écrire un livre, c'est une alternative un peu mieux, hein?